Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Pouvons-nous maîtriser notre mémoire ? Imaginez que l'on vous présente 52 cartes à jouer dans un certain nombre, dans un certain ordre, pardon, et que l'on vous demande de mémoriser mentalement cet ordre et de le restituer verbalement. Lorsque l'on a du mal à se souvenir d'un simple numéro de téléphone à 10 chiffres ou d'une liste de courses, l'exercice peut sembler tout bonnement inaccessible pour le cerveau humain. Erreur, le champion allemand Simon Reinhardt a ainsi mémorisé un jeu de 52 cartes en 21 secondes et 90 centièmes. Clemens Meyer, vainqueur des championnats du monde de mémoire en 2005 et 2006, a mémorisé 1040 chiffres en 30 minutes. Une autre épreuve consiste à mémoriser le plus grand nombre possible d'associations entre nom et visage en 15 minutes. Le record est de 164 noms. De tels exploits de mémoire sont-ils liés à de nouvelles méthodes mnémotechniques ? Loin de là, en fait, le paradoxe réside dans le fait que certaines techniques de mémorisation découvertes dès l'Antiquité ont été largement oubliées au fil du temps. C'est le cas de l'une des plus performantes à laquelle les champions d'aujourd'hui font encore appel. Il s'agit de l'art de mémoire ou méthode des loci, c'est-à-dire la méthode des lieux. Il en reste une trace dans le langage courant lorsque nous disons en premier lieu, en second lieu. Cette technique consiste en effet à associer la liste des choses que l'on veut mémoriser à la visite d'un lieu bien connu. Le cerveau se souvient plus facilement d'un enchaînement d'images et d'une série abstraite de chiffres ou de cartes à jouer. Il suffit alors de distribuer ces chiffres ou ces cartes dans un décor déjà gravé dans notre mémoire, tel que notre appartement ou un quelconque autre lieu. Une fois chaque élément placé dans une zone particulière de ce décor, il suffit de mémoriser un parcours de visite pour les retrouver. Aujourd'hui et demain est organisé à Massy et Antony, près de Paris, un Open de mémoire qui se présente comme le championnat de France dans ce domaine. L'occasion de nous pencher sur ce type d'épreuve et sur les méthodes utilisées par ces véritables athlètes de la mémoire que sont les compétiteurs. Un phénomène un peu à contre-courant d'une époque où la mémoire vivante de notre cerveau apparaît de plus en plus fragilisée, souvent remplacée par celle des ordinateurs ou détruite par des maladies neurologiques comme Alzheimer. Nous en débattons aujourd'hui dans Science Publique avec nos invités en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio. Nous recevons donc Bénédicte Desfontaines, neurologue spécialisée en neuropsychologie et directrice du réseau Aloïs. Sandrine Laurent est cofondatrice de Time for School, une école et collège pour les enfants précoces. Et elle est co-organisatrice de l'Open de mémoire et compétitrice elle-même. Jean-Louis Swiners est ancien photojournaliste professionnel. Il travaille aujourd'hui sur l'archivage des photos qu'il a réalisées il y a 50 ans, entre 1957 et 1964. Et il nous parlera justement de la mémoire qu'il conserve de ces photos. Françoise-Marie Thuillier est présidente d'Ars Memoria, l'association qui organise l'Open de mémoire à Antony. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Françoise-Marie Thuillier, bonjour. Bonjour. Donc vous organisez avec votre association Ars Memoria cet Open de mémoire qui se déroule alors en ce moment même à Massy aujourd'hui, oui, mais pour les enfants, et demain, exact, à Antony pour les adultes. En quoi consiste ce type d'épreuve ? Ce type d'épreuve consiste donc pour les scolaires en trois épreuves qui sont très proches de ce qui est utile pour des jeunes de développer. Pour développer des compétences qui leur sont utiles en cours, en fait, avec des mémorisations de mots au hasard, des mémorisations de nombres et des mémorisations de dates. Et nous avons choisi de faire une mémorisation dans l'espace d'objets, de 100 objets que nous finirons tout à l'heure. Et pour les adultes, ce sont 10 épreuves, avec des épreuves de visage et de nom, de cartes à jouer à mémoriser en moins de 5 minutes, de visage et de formes abstraites. Et donc on essaie de couvrir tous les différents champs de la mémoire. Voilà, on va en reparler bien entendu. Alors Sandrine Laurent, bonjour. Bonjour. Donc vous co-organisez cet Open de mémoire et vous êtes compétitrice, ça nous en reparlerons. Mais vous hébergez donc aujourd'hui même les épreuves qui concernent les enfants dans votre école de Massy. Oui, tout à fait. Alors, Gaë Texier et moi-même avons choisi de créer une école et un collège pour les enfants précoces il y a déjà 5 ans. Et j'ai été moi-même formée par l'équipe de Tony Besen à la mémoire l'année dernière. Et comme j'enseigne dans cette école, j'ai voulu former mes élèves. Et il se trouve que ma rencontre avec Françoise-Marie Tullier a fait naître cette compétition à l'intérieur de l'école qui, j'espère, va s'agrandir à l'Île-de-France et peut-être à la France, et voir les pays proches dans lesquels il n'y a pas de compétition pour les jeunes. C'est une très belle expérience et je pense que ça va leur servir pour plus tard. Alors, quel âge ont-ils aujourd'hui ceux Alors, on a un public de 6 à 15 ans. Ça représente le CP à la 3e, en fait. On a un groupe primaire et un groupe collège. Et donc, c'est la première fois que vous organisez cette compétition dans cette école. Tout à fait. Très bien. Bénédicte Desfontaines, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes neurologue. Vous êtes donc forcément très impliqué dans les problèmes de mémoire, de langage. Alors, je suis neurologue spécialisé en neuropsychologie. Oui, certes. La neuropsychologie, c'est l'étude des fonctions intellectuelles, comme la mémoire, le langage, la reconnaissance des choses, des objets. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de compétition ? Alors, pour les enfants et les adultes, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mémorisation naturelle. Ou alors, si cette mémorisation naturelle existe, elle est très fragile sur la durée. Donc l'intérêt de ce genre de compétition, c'est d'apprendre à consolider. C'est acquis. Oui. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous avons monté, je dirige une association depuis 2004, qui est le réseau Aloïs, qui pour l'instant travaille officier en Île-de-France, mais notre objectif c'est de la diffuser sur toute la France, pour permettre à tous d'avoir accès à l'évaluation de ces fonctions intellectuelles hors de l'hôpital, pour les adultes, pour préparer un diagnostic précoce, et pour les enfants, depuis un an surtout, pour repérer, pour aider aussi, pour évaluer les enfants précoces, ou les enfants qui ont des dyslexies, dyspraxies, dysorthographies, pour pouvoir mieux les accompagner. Et là, on peut évaluer la mémoire, par exemple. C'est un facteur. On n'évalue pas que la mémoire, on évalue les fonctions intellectuelles. C'est-à-dire que dans le cerveau, on peut pas dissocier la mémoire, le langage, il y a une mémoire verbale, il y a une mémoire visuo-spatiale, mais il y a une mémoire affective, donc on évalue l'ensemble des fonctions intellectuelles. Et il est impossible, par exemple, d'analyser un test de mémoire si on n'a pas à côté regardé si le langage allait bien. Puisque si la personne a un simple trouble du langage et qu'on évalue que la mémoire verbale, on va se tromper de diagnostic. C'est pas un trouble de la mémoire, mais un trouble du langage. Donc il faut avoir une vision globale. C'est pour ça que ces tests qu'on fait grâce au sein du réseau Aloïs, ça dure au moins 2 heures, voire 3. On va revenir sur l'aspect mémoire à l'intérieur de cet ensemble. Jean-Louis Squiners, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes photographe, photojournaliste, vous l'avez précisé, c'était il y a quelques années quand même déjà, mais vous êtes dans une expérience particulière aujourd'hui. Alors de quoi s'agit-il ? Oui, j'ai fait de la photographie professionnellement il y a 50 ans et j'ai arrêté en 1964. J'ai archivé tout ça et j'ai oublié et chassé de mon esprit mon activité pendant ces 7 années. Il y a maintenant 2 mois, j'ai été contacté par l'agence de photographie auquel j'avais déjà mis quelques archives et qui m'ont demandé de voir ce que j'avais en plus. Ce qui fait qu'il y a maintenant 2 mois, j'ai repris l'ensemble des archives que je n'avais pas consultées pendant 50 ans, que j'ai commencé à archiver et qu'il m'a fallu légender, en faisant appel aux quelques notes et à ma mémoire. Et je dois dire que j'ai eu quelques surprises. Alors, on reviendra sur ces surprises, mais l'une des plus importantes, justement, c'est celle qu'on imagine probable, c'est qu'il y a un défaut de mémoire pour beaucoup d'entre elles. Et c'est ce défaut qui vous a surpris. Permettez-moi, pas tellement un défaut, une incohérence incroyable. Oui, ce que peut être qualifié de... Non, c'est pas un défaut, c'est incohérent. Et je ne prends pas parti, je n'ai tiré aucune conclusion, je constate, et je vais vous montrer quelques constatations qui m'ont amusé, je me dis, mais comment ça fonctionne, c'est curieux, quoi. Voilà, en plus, c'est donc une expérience qui est plutôt rare de pouvoir faire cet exercice sur 50 ans auparavant et avoir une idée de ce qu'il reste aujourd'hui de cette expérience. Pour revenir sur sur le concours et sur les techniques qui sont utilisées pendant ce concours, Françoise-Marie Tullier, peut-être qu'il faut préciser, là j'ai parlé d'une méthode qui a l'air d'être encore utilisée, la méthode des Loci, oui. De quoi s'agit-il et comment ça fonctionne? C'est de se construire des chemins en fait dans sa tête et un certain nombre de lieux que l'on parcourt et que l'on connaît donc par cœur, dans lesquels on peut se marcher dans sa tête en fait, et dans les auxquels des points spécifiques on va associer là l'objet, la carte, le chiffre dont on a besoin de se souvenir là dans l'ordre. Donc après on n'aura plus qu'à refaire la promenade. Alors, on parlait justement avant l'émission de cette importance d'une association. Ce que vous dites, c'est qu'en gros, on va transposer la liste des choses à mémoriser dans une association avec autre chose. Alors, la question, évidemment, est à la fois, quelle est cette autre chose, mais aussi, comment fonctionne cette association? Peut-être Bénédicte Desfontaines. Oui, alors le maître mot, effectivement, c'est association. Hein. C'est-à-dire que la mémoire, pour bien mémoriser quelque chose et le garder en tête, il faut l'associer à quelque chose qu'on a déjà en tête. Mmh. Et alors, si possible, qu'on a enregistré quand on était enfant. Oui. Et le deuxième maître mot, c'est le plaisir. C'est-à-dire que ça ne marchera d'autant mieux que, par exemple, si on décide de mémoriser une récitation et qu'on a en tête une maison dans laquelle on allait en vacances quand on était enfant et qu'on aimait beaucoup, donc la notion de plaisir est importante. On peut décider d'apprendre la première strophe et de la poser dans la cuisine, la deuxième strophe dans le salon, la troisième strophe dans la chambre à coucher, et on fait ce chemin après pour récupérer la récitation. Ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est pas forcément des lieux que tout un chacun a associé. Dire que chacun doit trouver l'association qui lui va le mieux. Il y a des personnes qui sont pas du tout à l'aise avec les lieux et donc qui préfèrent associer des mots à des couleurs. Donc ça, c'est à chacun de trouver son propre fonctionnement cognitif optimal pour aboutir à quelque chose qui finalement mais l'association reste le maître mot. Hein. Si on n'associe pas, il y a des gens qui sont capables de réciter un peu comme un copier-coller ou à apprentissage et recracher immédiatement sans même consolider cette mémoire-là. C'est une photographie un peu. Elle est fragile sur la durée. On va la perdre. Donc si on veut garder les photographies qu'on a, il faut les consolider, c'est-à-dire les associer. Alors Sandrine Laurent, est-ce que c'est ça que vous pratiquez? Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que cet aspect des chemins, ça permet de valider l'ordre des éléments à restituer. C'est surtout de ce point de vue-là qu'on l'utilise en compétition. Alors comment vous faites, vous, personnellement, par exemple? Quelle est votre technique? Alors, comme le disait Bénédicte Desfontaines, c'est essayer de trouver des chemins quotidiens ou des lieux extrêmement connus, donc une maison de vacances ou le chemin pour aller chez le boulanger, à l'école, enfin des chemins, choses qu'on a faites souvent, des chemins qu'on connaît, auxquels on attache des points. C'est-à-dire peut-être que je croise une magnifique grille dorée à un endroit. Juste après, je vais avoir un feu rouge et puis ensuite, j'aurai un arbre très particulier. Et donc, je vais suivre ce chemin et je le connais, donc c'est très simple. Par contre, je sais qu'à chaque endroit, j'aurai trouvé un point qui sera mémorable pour moi. Et à chaque point... je vais utiliser, par exemple, là on va sur une épreuve de mots, par exemple, associer le mot à cet endroit du chemin. Donc il faut avoir plein de chemins quand on est compétiteur, parce que si j'utilise deux fois le même chemin, je risque de me tromper, ça c'est extrêmement important. Et donc l'idée de la technique de base, c'est de se raconter une histoire. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je me raconte une histoire avec les mots que j'ai à mémoriser et en même temps, je les associe à chaque étape de mon chemin, ce qui me permettra d'être plus performante, en fait. C'est ça l'idée. Oui, et j'aurais juste envie de rajouter que, en faisant ces associations, on essaie de faire jouer tous les sens, de sentir des parfums, d'avoir des couleurs, ça permet de sentir des émotions qui vont être positives et ça va faciliter le travail d'accrochage. Alors justement, concrètement, par exemple, vous allez accrocher un chiffre sur le feu rouge qui est sur le trajet que vous avez choisi comme parcours. Donc lors de la restitution, parce qu'il y a une période de mémorisation, ensuite il y a une période de restitution, et dans cette période de restitution, le fait d'avoir fait ce chemin, ça va me permettre de valider l'ordre, parce qu'on peut soit avoir un trou, soit avoir un doute, et à ce moment-là, le fait d'avoir accroché au chemin, ça permet d'avoir la certitude qu'on s'en rappelle correctement. On voit bien la corrélation entre le chemin et l'ordre, oui. Mais en revanche, comment associer de façon certaine le chiffre 5 avec le feu rouge, par exemple? Alors en fait, au niveau des chiffres, il y a une autre technique, c'est qu'on va remplacer, alors quand on est sur des petits chiffres, comme des petits chiffres de numéro de téléphone, on va remplacer chaque chiffre par un objet qui représente le chiffre. Par exemple, le 8 peut être représenté par un bonhomme de neige, puisqu'ils ont à peu près la même forme. Et je vais utiliser cette image pour me raconter mon histoire. Les chiffres deviennent autre chose que des chiffres, quelque chose qui va être plus parlant pour nous, enfin en tout cas pour moi. Le support d'une histoire. Voilà, c'est ça. Bénédicte Desfontaines. Toujours une association, c'est-à-dire qu'on tout associe... Tout à fait, c'est l'association, c'est vraiment comme vous dites... En fait, il faut associer... Je rebondissais sur ce que vous disiez tout à l'heure des chemins. Les chemins sont automatisés dans la tête des gens, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'effort à faire. C'est déjà automatisé, donc c'est des chemins qu'on a effectivement, donc on a toujours fait. Et c'est sur ces chemins-là qu'on connaît par cœur, qui sont déjà ancrés depuis l'enfance le plus souvent, parce que là, les souvenirs sont les plus solides, qu'on rajoute des choses. On greffe de nouvelles choses voilà. Sur le feu rouge, on greffe le 9, par exemple. Voilà, sur un support qui préexiste. Qui préexiste. Dans la mémoire. Donc. Ce support-là, il est automatisé. On peut s'en resservir, mais effectivement, pas juste après. Ouais. Parce que là, on va mélanger, sinon les associations. Il y a un exemple simple qui est la liste des courses. Si on a besoin d'une vingtaine d'éléments dans sa liste de courses, on peut utiliser son propre corps, qu'on connaît par cœur, en disant, je commence par le pied, ensuite j'ai la cheville, et en fait, ça, on va accrocher ce dont on a besoin à un endroit du corps, et en faisant le chemin du corps, on va s'en rappeler, et en plus, dans l'ordre. Alors là, on comprend bien, sauf que reste quand même un peu mystérieux l'accrochage, c'est-à-dire pourquoi le 9 va rester accroché au feu rouge, ou bien au pied. Le 9, très souvent, on fait un ballon de baudruche. Donc là, il suffit de visualiser, en fait, un ballon qui est accroché sur le feu rouge, se créer une image là. Et ça, on le garde. De toute façon, il y a toujours un travail, un effort à faire. Ça ne peut pas se faire sans effort. C'est-à-dire que pour minimiser l'effort et l'énergie, on choisit un chemin qui est bien automatisé. Donc celui-là, il y a plus d'effort à faire parce qu'il est là. Mais si on veut apprendre, il y a une phase d'enregistrement, de stockage, et ensuite la mémoire, il y a une phase de restitution. Il y a toujours un effort quand même. Donc à un moment donné, il y a un petit effort pour se rappeler qu'on a bien mis le 9, par exemple, sur le feu rouge. Et ça, c'est plus facile que de se rappeler juste de la série de nombres. Exactement, que de se rappeler du 9 tout court. Oui, Sandrine Laurent. Donc, c'est ce genre d'éléments qui rendent l'aspect de l'entraînement à la mémoire amusant et plaisant. C'est-à-dire le fait de se raconter une histoire, de transformer quelque chose, c'est beaucoup plus intéressant que d'apprendre une liste de chiffres par cœur. Où on voit moins d'intérêt, alors que sinon c'est un plaisir de se raconter des histoires, globalement. Donc ça veut dire que aussi bien le lieu que vous allez choisir que l'histoire que vous allez inventer sont forcément des choses agréables dans les deux cas, et on voulait peut-être ajouter la notion de plaisir ou c'est la ça, souligner. C'est ça, c'est-à-dire que de toute façon les gens choisissent un chemin qui leur plaît, ça leur vient spontanément, en tout cas qui les a marqués, et si possible... Parce qu'on peut être marqué par des expériences négatives. Dramatiques, certes, mais en l'occurrence, spontanément pour apprendre quelque chose, pour que ça reste. On a envie que ça reste. Déjà, on est dans une démarche positive. On va prendre. Il se trouve que ce qui se présente à son esprit, c'est quelque chose qui, un chemin qui est ancré en général sans drame. Sinon, effectivement. Alors, quand on entend cette méthode, par exemple, et qu'on sait que certains champions l'utilisent, on se demande comment, à quelle vitesse le cerveau peut fonctionner pour mémoriser 52 cartes en 21 secondes. Ça paraît quand même très délicat de comprendre comment on agit pour arriver à ce résultat, Sandrine Laurent. Alors, pour en arriver à ce résultat, c'est quand même comme n'importe quel sportif, puisqu'on va dire que les techniques de mémorisation, quand on fait un championnat de mémoire, on est un sportif cérébral et c'est de l'entraînement. Donc vous, par exemple, vous vous entraînez comment ? Beaucoup ? Beaucoup, pas suffisamment, certainement, faute de temps. Mais c'est important de garder une régularité dans l'entraînement. Essayer donc. Après, ça dépend. Quand on prépare une compétition, on s'entraîne beaucoup plus longtemps et beaucoup plus régulièrement. Mais essayer dans une année, par exemple, de le faire au moins une à deux fois par semaine pour conserver déjà cette technique et puis pour améliorer ses performances. Parce que c'est clairement un entraînement. France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti. Nous débattons aujourd'hui la question « Pouvons-nous maîtriser notre mémoire ?» avec nos invités, Bénédicte Desfontaines, neuropsychologue, Sandrine Laurent, cofondatrice... Neurologue. Pardon, neuropsychologue. Neurologue. Neurologue, mais vous êtes aussi neuropsychologue. Neurologue spécialisé en neuropsychologie. Voilà. Excusez-moi de ne pas avoir été assez précis. Sandrine Laurent, cofondatrice de Time for School, une école et un collège pour les enfants précoces. Jean-Louis Schwiners, ancien photographe, photojournaliste professionnel. Et Marie-Françoise Tuillier, présidente d'Ars Memoria, l'organisatrice de l'Open de mémoire à Antony. Alors, peut-être un mot de Jean-Louis Schwiners sur votre expérience actuelle. Vous faites un parcours qui est quand même très différent de celui dont on parle, là où il faut mémoriser des choses très immédiates, c'est-à-dire une liste de cartes, une liste de chiffres. Vous penchez sur des souvenirs, ou des photos en tout cas, qui pourraient être associées à des souvenirs d'il y a 50 ans. Alors, peut-être nous donner un peu plus de détails sur le constat que vous faites. Alors, déjà, il y a une chose. Sur le plan professionnel, aujourd'hui, j'archive des photos et je les légende. Très bien. Mais d'autre part, je suis en train de préparer un livre sur mes 7 années d'activité photographique. Ce qui m'a amené à faire une mini-exposition de mes photos et une scrap room dans lequel il y a des scrapboards et dans lequel j'ai des photos de moi depuis l'âge de 13 ans. Et maintenant, il faut que je revienne sur tout ce... Enfin, c'est cette année. Alors, et je n'en tire aucune conclusion, mais je constate simplement ce qui est en train de m'arriver et qui, par moments, m'amuse. Il y a d'autres, d'une part, et on peut peut-être faire une typologie un peu plus pointue, mais il y a des choses qui m'ont marqué, que j'ai dans la tête, de façon claire, dont je n'ai pas fait de photo, dont il n'existe pas de photo sur la toile, et le seul souvenir que j'ai, c'est, par exemple, j'ai trouvé, c'était des gravures qui sont antérieures à notre expérience et au tourisme, et qui sont les gorges de Constantine. J'ai fait ça à pied, je m'en rappelle parfaitement. Il n'y a pas d'autres traces que des gravures et ce que j'ai dans la tête. C'est quand même... Ce qui est surprenant, c'est que vous étiez photographe à l'époque et vous n'avez pas fait de photos. Ou que les photos aient disparu. Oui, parce que les gorges du Rumel, c'était... J'ai pas trouvé de point de vue, enfin je bagnaudais, et je dois dire que c'était pendant les événements, j'étais surtout en train de regarder à gauche, à droite, s'il n'avait pas m'arrivé un coup dur. Bon. Donc ça c'est le cas où vous avez le souvenir sans la photo, et il se trouve qu'il y a le cas inverse. Alors, il y a des fois la photo, mais pas le souvenir. Et par exemple, je prends le meilleur exemple que je puisse avoir... Mais là le problème c'est qu'on ne vous entend plus, mais... Excusez-moi, un exemple parmi d'autres... c'est que j'ai une photographie plus ou moins célèbre de Luis Buñuel en train, donc, avec un Smith & Wesson 45. Alors là, pour les auditeurs, c'est moins spectaculaire que pour nous, bien entendu, mais, Très bien la photo. Il est au pas de tir et il brandit son revolver. Et je ne me rappelle pas avoir fait cette photo. Alors que, et il faut voir la photo évidemment, j'ai une vision très très curieuse, c'est celle du pas de tir qui est tout au fond là-bas. Et pourquoi? Parce qu'on y a accroché des poulets. Mais plus fort que ça, si je puis m'exprimer ainsi... Donc on tirait sur des poulets à l'époque, c'est ça? Oui, et c'est une histoire peut-être qui m'a marqué. Et à un moment là, il y a un gosse qui a décroché le poulet. Un type a tiré, le type est tombé, le gosse est tombé. On a pensé qu'il était tué. Et aussitôt, c'est pour ça que Luis Buñuel m'a raconté l'histoire, aussitôt il y a quelqu'un qui a dit « Combien ?» pour indemniser le père de la victime. C'est pour, on était au Mexique. C'était une autre époque. Une autre époque, bon. Par contre, ce qui est amusant, c'est que quand j'ai rencontré et discuté longtemps avec Luis Buñuel, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait des gros plans, mais ce dont je me rappelle parfaitement, c'est lui derrière son bureau. La photo, je l'ai, je peux la dessiner, mais c'est surtout, il a sorti son Colt et il m'a tiré dessus. Pif! Permettez-moi, et gling, gling, gling, gling, gling, gling, gling. Et la balle était dans une boîte pour absorber les cartouches quand on tire à l'intérieur de son living room. Et ce qui me reste, c'est pas la photo de lui, c'est le son. Et ceci fait pas une mauvaise photo, mais enfin, ça n'a aucun rapport avec mon vécu. Très bien. Alors, justement, c'est intéressant. Bénédicte Desfontaines, qu'est-ce que vous pensez d'un tel témoignage sur finalement, le pendant de la mémoire immédiate des athlètes de la mémoire, là, qui est la mémoire à long terme, et les traces que ça peut laisser, grâce à cet exercice de la comparaison avec des photographies. Alors là, on est 50 ans après, et en fait, vous vous rappelez avoir pris la photo parce qu'il y a un détail qui vous revient, c'est-à-dire le poulet qu'on tuait. Donc, si on vous montre cette photo, elle ne vous dira pas rien. C'est-à-dire que il y a quand même, vous êtes quand même capable de refaire l'histoire, parce qu'on vous donne un indice qui vous permet d'aller chercher dans votre cerveau le moment où vous avez pris cette photo, et vous êtes capable de reconnaître la chose. Donc, en fait, le souvenir n'est pas effacé. Vous avez eu un petit peu de mal à mettre en œuvre vos stratégies de rappel. Mais ça, c'est un peu naturel. Écoutez. Bénédicte, oui. Voilà ce dont je me rappelle. Oui, mais c'est donc sur la photo. Reste, voilà. Je vois sur la photo. C'est quand même assez bizarre. Oui, c'est en gros, tout à fait. C'est un détail, indice. Un détail de la photo qui est en arrière-plan, qui est en haut à gauche. Alors, il s'est passé 50 ans depuis. Hein, donc, vous avez quand même eu 50 ans de vie derrière, où vos souvenirs entre la photo et maintenant viennent éventuellement, entre guillemets, contaminer ce que vous pourriez en dire maintenant. Donc c'est... Françoise-Marie Tullier, qu'est-ce que ça vous inspire, cette expérience de mémoire à long terme? Ben moi, ça me fascine totalement, mais c'est vrai que il y a une histoire de Jean-Louis. Je vois là une photo là, que j'aimerais bien qu'il raconte l'anecdote, parce que c'est celle que je trouve la plus marquante. Là, oui. Oui, alors. Il n'ose pas nous la montrer, mais on l'a aperçu. Archivant, au passage, brusquement. Dans une boîte de diapos que j'ai fait il y a 50 ans, ou 55, enfin peu importe, je tombe là-dessus. Et je lui dis, mais bon Dieu, elle a de beaux seins. Donc c'est un nu... De ma femme. De votre femme. Attendez, et je ne me rappelais pas qu'elle ait des petits seins comme cela. Je ne sais pas ce dont j'avais le souvenir. Donc on va j'ai tout découvert, suite... j'ai découvert ma femme 50 ans après. C'est quand même bizarre. Donc, Bénédicte Desfontaines, là, votre diagnostic, c'est quoi? Mais vous êtes toujours avec votre femme? Non, j'ai vécu 20 ans avec elle, je l'ai beaucoup aimée, elle m'a fait 3 gosses, enfin, etc. Donc, et je suis toujours en contact avec elle, le chaleureux et tout. Oui, donc, je ne me rappelais pas qu'elle ait des petits... C'est-à-dire que l'effet qu'elle vous fait maintenant n'est pas celui que vous avez eu à 50 ans, mais vous reconnaissez votre femme sur la photo. Ah, c'est bien elle. Non, c'est juste un problème de seins, en réalité. Non, elle avait de beaux petits seins, voilà, c'est l'effet, si je puis m'exprimer ainsi. C'est voilà, l'effet que ça fait. Pardon, c'est l'effet que ça vous fait qui a changé. Je ne me la rappelais pas. J'ai été surpris, c'est tout, pas plus que ça. Sandrine Laurent, là on voit qu'il y a quand même un rapport justement entre les images et une histoire. Mmh. Aussi bien l'histoire de cette rencontre avec Louise Buñuel que l'histoire avec votre femme. Et comment vous, est-ce que ça, c'est en écho avec vos histoires à vous, celles que vous vous racontez pour y greffer des souvenirs? C'est un peu différent parce que là, en compétition, on a des mots ou des chiffres ou des objets, c'est imposé. Donc c'est sur l'instant, dans la période de mémorisation qui est de 5 minutes, qu'on doit s'inventer l'histoire. Donc c'est un tout petit peu différent parce que du coup, il y a pas de vécu. On est obligé d'aller chercher dans nos propres capacités, dans nos propres stratégies, on va dire, pour... Mais concrètement, donc, est-ce que vous pouvez faire l'exercice, je sais pas si je vous donne une série de chiffres, vous allez donc inventer une histoire pour pouvoir les mémoriser. Oui. Donc à chaque fois, une histoire nouvelle? Oui, pour éviter... Parce que là, il y a 10 épreuves, par exemple, donc il va falloir 10 histoires. Tout à fait. Autrement, je risque de me tromper. C'est-à-dire, oui, par contre... Mais là, on est dans le domaine de ce que vous disiez tout à l'heure, du sport, en fait. Oui, et la mémoire, elle ne s'use que si on ne s'en sert pas, en fait. C'est véritablement, contrairement aux muscles, là, vous faites intervenir un entraînement et surtout la répétition. Mais avec une capacité... Et la répétition, c'est extrêmement important aussi. La répétition de la consigne, la répétition de la procédure, je veux dire. Et ça vous permet d'automatiser quand même beaucoup de choses. Et du coup, ça facilite après la technique. C'est un apprentissage de technique. C'est la technique. Sandrine Laurent. Et en même temps, ça permet d'ouvrir sa créativité. Parce qu'on est obligé d'aller chercher toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier, quelque chose de loufoque pour justement que la mémoire s'en rappelle. Donc ça veut dire que là, pour les 10 épreuves, vous avez 10 histoires, mais si vous vous entraînez tous les jours, il va falloir tous les jours inventer de nouvelles histoires. C'est effectivement extrêmement créatif et ça impose... Ça sera de plus en plus facile après. C'est ça, c'est l'entraînement qui fait que ça devient facile. Ouais. Quand on a 100 mots à lire, là, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au 100... On fait comme on peut, mais on a 100 mots imposés, donc il faut avoir, on va dire, une imagination débordante. C'est-à-dire que je vais revenir sur la notion d'effort qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a forcément quand même une notion d'effort pour apprendre. Hein. Et plus on le fait, plus ça devient facile et plus ça devient agréable. Mais on ne peut pas se passer de l'effort initial. Je tiens à le dire pour les enfants et les auditeurs et pour tout le monde, il y a quand même un effort à faire à un moment donné. Françoise Maritier. Mais il y a l'effort qui est un grand plaisir. En fait, nous l'avons constaté ce matin puisqu'il y a eu un jeune Adrien de 13 ans qui a battu le record de France de mémorisation de mots en 5 minutes avec 38 éléments mémorisés dans l'ordre parfaitement. 38 mots en 5 minutes. Alors le champion du monde dont vous parliez tout à l'heure dans cette épreuve là peut mémoriser 125 mots et c'est ce qui vient de se passer à Taipei là, il y a quelques jours. Mais dans le délai. Mais sachant qu'on est quand même sur des entraînements qui sont courts, ça fait peu de temps qu'ils ont la technique, ça fait peu de temps qu'ils s'entraînent, donc c'est très prometteur. Donc là, ils doivent mémoriser une liste de mots qui ne sont pas reliés entre eux, qui sont indépendants. C'est à eux de les relier. C'est le contraire d'une récitation où on. C'est à eux de les relier. Ils ont l'effort de faire le lien. Et ça, vous les avez entraînés à créer ce type d'histoire. Comment vous l'avez présenté, cet exercice? Moi, je leur ai expliqué la technique. Et ensuite, je leur ai demandé de se l'approprier. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, chacun utilise ses propres stratégies. Et donc, c'est à eux de trouver dans leur créativité de quoi relier les éléments ensemble. Mais je les ai entraînés à plusieurs reprises pour qu'ils s'approprient cette technique et maintenant ils l'utilisent. Et maintenant, le travail à faire maintenant, c'est transposer cette technique dans leurs apprentissages scolaires. Et ça, comment c'est possible justement? Là, on va y venir, c'est-à-dire comment on peut exploiter ces techniques de mémorisation à d'autres fins que la participation à l'open de mémoire, parce que effectivement, tout le monde n'y participe pas. Exemple très simple pour tous les élèves d'école primaire et les collégiens, et après, ça peut durer toute la vie, l'étape de multiplication. Si on se raconte une histoire entre les chiffres et le résultat, on va s'en rappeler, et si on le répète aussi, parce que c'est pas en une fois qu'on va l'intégrer, forcément on va se souvenir de cette histoire. L'année dernière, je les ai emmenés à une conférence qui parlait justement de la mémoire, et il y a eu un petit exercice. Ils se souviennent encore des cartes plusieurs mois après. C'est-à-dire... Parce que ça, les... l'ordre des cartes, il y a une histoire qui a été racontée. Il y a, je sais plus s'il y avait 5, 10 ou 15 cartes. On leur a expliqué comment faire. Donc ils se sont racontés une histoire. Ça a été guidé cette fois-là puisque c'était pour expliquer la technique. Ils se souviennent encore aujourd'hui, donc on est en novembre, des mots qui étaient à retenir. Bénédicte Desfontaines, qu'est-ce que ça signifie en termes d'usage de la mémoire telle qu'on la connaît aujourd'hui avec les quatre catégories habituelles? Qu'est-ce qui est mobilisé avec ce processus d'association? Alors, d'abord, la mémoire, c'est quelque chose dont on parle beaucoup de plus en plus en ce moment avec l'augmentation du nombre de pathologies neurodégénératives, et la maladie d'Alzheimer, vous en parliez tout à l'heure, est la plus fréquente. Et donc, c'est quand même avant tout une maladie de la mémoire, même s'il n'y a pas que la mémoire qui est touchée, mais c'est avant tout, de toute façon, elle est constamment touchée. Et avec l'augmentation de l'espérance de vie, on est tous concernés par cette affection, soit parce qu'on est soi-même concerné, soit parce qu'on a un proche qui est concerné. Et de toute façon, naturellement, avec l'âge, les capacités intellectuelles, cognitives et dont la mémoire se modifient. Donc, ces techniques-là, elles deviennent encore plus intéressantes pour les personnes un peu au-delà de 50-60 ans. Parce qu'à partir de 50-60 ans, on commence à être naturellement gêné par nos fonctions intellectuelles, à avoir éventuellement un peu plus de difficultés à se rappeler spontanément des choses. Il nous faut un petit indice éventuellement, ou voilà, c'est un petit peu plus lent. Bon, sans que ce soit, mais l'indice permet toujours de retrouver le souvenir, hein, il n'est pas effacé. Mais alors justement, c'est une des grandes questions qu'on se pose face à la maladie d'Alzheimer, qui semble-t-il n'a aucun traitement aujourd'hui véritablement efficace, et beaucoup d'ailleurs de logiciels, de systèmes d'entraînement de la mémoire ont été un peu fondés sur cette maladie pour essayer de l'enrayer. Est-ce qu'il y a une corrélation claire entre le fait de faire fonctionner plus sa mémoire et un retard que cela peut provoquer dans la survenue de la maladie? La réponse est oui. Et c'est très important de le savoir, c'est-à-dire que une personne qui a pris l'habitude de travailler ses fonctions intellectuelles depuis l'enfance ou même après, hein, c'est pas parce qu'on peut toujours s'y mettre un petit peu après, développe des connexions synaptiques. Faut bien savoir que le cerveau est un organe extrêmement plastique, qui est en mouvement. On crée des connexions synaptiques toute sa vie. Même à 90 ans, même avec une maladie d'Alzheimer. Le problème avec la maladie d'Alzheimer, c'est qu'elle va plus vite que les connexions. Mais on crée des connexions et avec tout au long de sa vie. Et ce qui fait que quand arrive l'âge de 60 ans ou 70 ans et qu'on est naturellement gêné et qu'en plus de ça, on a une maladie d'Alzheimer, par exemple, si on a une lésion, la maladie d'Alzheimer, et qu'on a des connexions, on pourra contourner la lésion et du coup, il n'y aura pas d'expression, pas de symptômes. Et donc, on peut compenser grâce à sa réserve synaptique. Donc, l'expression, on est décalé dans le temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on pense que l'expression va se décaler dans le temps à partir de maintenant. Et est-ce que ces connexions synaptiques dont vous parlez, est-ce qu'il est nécessaire de les avoir développées bien avant la maladie d'Alzheimer, ou bien est-ce qu'elles sont encore... C'est préférable. Possible. Et c'est encore possible. C'est les encore deux. Possible après. Oui, c'est pour ça que c'est préférable de le développer avant. Mais c'est encore possible de faire travailler ses capacités cognitives de façon organisée et structurée à partir du moment où les premiers symptômes arrivent. C'est d'ailleurs ce qu'on fait. Comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de traitement qui guérit la maladie d'Alzheimer. C'est pas pour autant qu'il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de choses à faire pour anticiper les complications de la dépendance, pour permettre justement aux personnes au stade léger, c'est l'objectif du réseau Aloïs, de diagnostiquer précocement les gens, pour leur permettre justement de leur apprendre ces techniques pour éviter que la maladie se dégrade trop et rester au stade le plus léger, autant qu'on puisse le faire. Voilà. Françoise Marie, oui, pardon, Sandrine Laurent, vous voulez. Moi, je voulais juste ajouter que je croise beaucoup de personnes qui me disent « je n'ai pas du tout une bonne mémoire, je ne peux pas m'intéresser à ces techniques, je ne peux pas le faire ». Moi, je suis la preuve que tout le monde peut le faire et que... Est-ce que vous pensiez avant de le faire ou... Est-ce que vous pensiez avant ne pas en être capable ou est-ce que... Non, c'est que bon, j'ai naturellement une mémoire correcte, mais j'oublie beaucoup de choses aussi. Et ces techniques favorisent la mémorisation et enfin, à mon sens, tout le monde est capable d'assister à une compétition et d'essayer de jouer avec sa mémoire. Oui. France Culture, Sciences Publiques, Michel Albert-Gonti. Nous débattons aujourd'hui la question « Pouvons-nous maîtriser notre mémoire ?» avec nos invités, Bénédicte Desfontaines, donc neurologue, directrice du réseau Aloïs, Sandrine Laurent, cofondatrice de Time for School, une école pour enfants précoces, et une école et un collège, je précise, Jean-Louis Swiners, ancien photojournaliste professionnel, et Françoise-Marie Tullier, présidente d'Ars Memoria, organisatrice de ces Open de mémoire qui ont lieu aujourd'hui à Massy et demain à Antony. Oui, Françoise-Marie Tullier voulait intervenir justement. Oui, mais... Par rapport peut-être à ce que tout le monde est susceptible d'appliquer ces méthodes et d'en tirer profit, quelle que soit sa mémoire en fait. Ça c'est clair, tous les compétiteurs là, de mémoire qui participent aiment préciser qu'ils avaient une mémoire tout à fait moyenne là, avant de s'intéresser à cette technique. Mais il y a aussi des gens qui sont surdoués de la mémoire naturellement. Il n'y a pas que des gens moyens, en fait il y a une grande variété. De dons naturels à la base, oui, Bénédicte Desfontaines. Exactement. D'abord, on n'a pas du tout tous le même cerveau au départ, on n'a pas la même couleur de cheveux, on n'a pas la même couleur d'yeux, on ne naît pas égaux, ça, à part devant la loi. On devient égaux devant la loi, mais, et encore, ça dépend des pays. Mais on n'est pas tous égaux. Alors après, on a un travail, ça dépend de notre environnement beaucoup. Je voulais revenir sur l'oubli, puisque l'oubli est quand même fondamental, hein, d'oublier certaines choses. Si, on parlait tout à l'heure des hypermnésies, qui sont des gens qui n'oublient pas même les détails, ce qui encombre leur conscience, c'est trop accessible, ils ne peuvent pas prendre du recul, ni synthétiser, et du coup sont un peu handicapés. Donc une certaine forme d'oubli est nécessaire hein, pour avoir une intelligence à peu près correcte. Et d'autre part, sur la mémoire, je voulais aussi faire part de mon expérience de médecin, neurologue. Comme je suis spécialisée en neuropsychologie, les patients consultent pour des troubles. Alors ils arrivent toujours en disant « j'ai des troubles de la mémoire, docteur ». Et en fait, dans un cas sur 3 ou 4, c'est pas un problème de mémoire, c'est un problème d'accès au langage, c'est un problème de concentration. Donc on est toujours à dire la mémoire pour quelque chose qui n'est pas la mémoire en fait. Mais pour l'attention par exemple. L'attention, la concentration, ouais. Même le langage. Par exemple, j'ai du mal à me rappeler du nom de cet acteur hyper connu là, que j'ai vu dans le film. C'est une difficulté d'accès au nom propre, mais il n'y a pas de problème de mémoire véritablement là. Le nom propre est quelque chose de fragile et qui part effectivement rapidement avec l'âge, mais... Alors justement, faut différencier tout ça. Sandrine Laurent, ça s'applique à tout en fait, cette technique, ou est-ce qu'il y en a d'autres, peut-être qu'il faut quand même pas se concentrer uniquement sur cette approche. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que celui que vous avez expliqué, qui est de raconter une histoire et de l'associer à une liste de mots ou de chiffres que l'on veut mémoriser? Ça, c'est la technique de base. Après, c'est vrai que je pense que chacun, avec ses propres expériences, va relier certaines informations et les utiliser dans le cadre de la compétition. C'est la technique de base qui est utilisée. Françoise-Marie Tullier. Oui, parce qu'après, il y a des systèmes de plus en plus complexes pour retenir les chiffres. Et justement, pour mémoriser un jeu de cartes en moins de 21 secondes, il faut se créer toute une bibliothèque d'images spécifiques à des associations de cartes pour pouvoir arriver à ce résultat. Donc, il y a beaucoup de stratégies et chaque compétiteur est de la sienne avec une passion. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ces techniques restent quand même, pour une part, confinées dans le cercle des athlètes, on va dire, des sportifs de la mémoire, et que aujourd'hui on en reste au fait que pendant l'école, ce qui est souvent proposé, c'est un apprentissage par cœur assez basique. Bénédicte Desfontaines, c'est dommage. C'est bien dommage. Oui, non, mais comment expliquer qu'on ne donne pas les moyens ou les armes aux enfants pour peut-être je pense que ça va changer, parce que la neuropsychologie est une science récente. Ça fait à peine 20 ans, et c'est vraiment 10 ans qu'on connaît bien ça. Donc maintenant, effectivement, toutes ces techniques dont on parle, on n'aurait pas pu faire cette émission il y a 10 ans de la même façon. Donc je pense que ça va changer, qu'on va pouvoir... L'éducation va prendre en considération les nouvelles techniques d'apprentissage qui sont plus efficientes, et plus sur la durée. Et aussi compte tenu du fait que la population vieillissante et ayant de plus en plus de troubles cognitifs, on est de plus en plus confronté à ça. Donc on connaît mieux aussi, ça, on alimente aussi par ça, par nos recherches. D'ailleurs, au sein du réseau Aloïs aussi, on accueille des patients à un stade très léger de la maladie d'Alzheimer, ou alors des patients normaux, mais des personnes normales, je veux dire, mais qui ont un âge avancé, qui se plaignent naturellement de leur mémoire. On ne leur fait pas les mêmes exercices, mais on apprend avec ces patients. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. On apprend avec les patients comment créer des techniques pour que eux-mêmes gardent leur mémoire le plus longtemps possible. Jean-Louis Schwiner, c'est ce que vous auriez aimé connaître ces techniques, et peut-être que ça vous aurait aidé au moment de la prise de vos photos il y a 50 ans pour en conserver une mémoire plus précise. Pas vraiment, je pense. Pas vraiment, parce que je reste visuel et je pense qu'il y a un problème de verbalisation, etc. Et je voudrais vous citer un petit coup, enfin, encore un étonnement. Alain, le philosophe, a remarqué il y a maintenant une cinquantaine d'années, sinon plus, que si tout le monde se rappelle le Panthéon de Paris, en haut de la rue Soufflot, mais quand on demande aux gens combien de colonnes, personne ne peut le dire, alors que tout le monde passe devant. Et de même, tout le monde passe devant l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale, dont voici le logo, et là-dessus, demander à un automobiliste qui vient de passer devant, qu'il l'a eu en traversant le pont de la Concorde devant lui, il prend le boulevard Saint-Germain, combien de colonnes, il ne sait pas. Enfin, il ne peut pas dire. Et tant qu'on ne l'a pas verbalisé, me semble-t-il, on ne peut pas. Mais il faut déjà les avoir comptés. Oui, ça va. Enfin, c'est absolument évident. Mais quand on j'ai passe été victime, dans un sens, d'une expérience un peu il y a 15 jours. J'en suis arrivé à reprendre une photo que j'avais faite il y a maintenant, c'était en 56, de la porte de Brandebourg. La porte de Brandebourg, il faut vous dire qu'elle est maintenant sur 9 milliards de pièces de monnaie de 10, 20 et 50 centimes d'euros. Je prends cette photo, je lui dis, tiens, il faut que je me renseigne un peu pour la légender intelligemment. Je la remets dans ma scrap room, je vais à l'ordinateur, je tape, et brusquement, je me dis, mais attention, il y a un quadrige en haut. Et sur l'ensemble des photos de la recherche Google, il n'y a la porte de Brandebourg qu'avec un quadrige. Or, sur la vôtre, il n'y en a pas. Un instant. Mais je donc me dis, juste pour, non. pour gagner un peu de temps. Mais non, un instant. Si je me dis, mais est-ce que j'ai la berlue? Et il m'a fallu retourner dans ma scrap room, qui est la pièce d'à côté, pour me dire, mais il n'y a pas de quadrige. Enfin, manifestement. C'est clair. Quand on a la photo dans les yeux, c'est beaucoup plus facile. Oui. Non, mais c'est pour ça que j'ai la photo. Oui, donc je montre là, qu'on soit clair, une photographie. Voilà. Bon. Si on va sur la toile maintenant, il n'y a pas sur la toile de photographie de la porte de Brandebourg sans le quadrige. On cherche et on ne trouve pas. Il y en a une que j'ai récupérée, trouvée avec beaucoup de difficultés. Et ce qui fait que, en mémoire immédiate, si l'on peut dire, intéressé, motivé, je cherchais, je ne me rappelais plus de ce que j'avais vu dans la pièce d'à côté, disons 30 secondes après. Alors je me dis, il y a quand même... Ah, et j'en suis arrivé à cette... Si en assise, on m'avait demandé la vie de quelqu'un en dépendant, il y avait un quadrige ou pas? Eh bien, le témoignage, j'aurais dit, écoutez, monsieur le président, je ne peux... Je pense que... c'est effectivement un très bon exemple par rapport à l'exploitation de la mémoire dans la société, mais dans l'usage courant, est-ce que ce qui est utilisé pendant ces concours, ces open de mémoire, peut être utilisé quotidiennement, Françoise Marie-Tulier? Est-ce que c'est un instrument pourrait être banalisé, qui pourrait être à la portée, à l'usage de n'importe qui, à n'importe quel moment, dès qu'il y a un problème de mémoire qui se dispose? Déjà, ça peut nous permettre de nous remettre à mémoriser des numéros de téléphone de personnes proches, parce que là, nous les confions à nos téléphones, mais nous ne les connaissons plus. Donc ça, c'est déjà important. Donc là, on crée une histoire sur chaque numéro, mais encore faut-il, c'est toujours la même question, avoir l'imagination de pouvoir le faire. Certaines personnes pourront vous dire, mais moi, je vois pas d'histoire à créer sur ces numéros de téléphone. C'est une gymnastique intellectuelle qui est très plaisante. Cet effort d'imagination, cet effort de création. Il y a toujours un effort à faire au début. Oui, je crois que on a bien compris. Vous nous l'avez assez répété pour qu'on s'en souvienne. Donc l'effort est nécessaire. Il porte sur effectivement autre chose. C'est ça le secret. Il porte sur l'apprentissage de la technique. Oui. En fait, qu'il faut le socle. Donc après, il faut penser, j'imagine, à l'utiliser. Il faut prendre plaisir à le faire. C'est vraiment un jeu. Parce que ça peut être adapté à n'importe quoi. Voilà, et on remplace donc la douleur, quand même, qui, je pense, est largement partagée de l'apprentissage par cœur, où la notion de plaisir est assez absente, ou ténue. Sauf pour ceux qui ont des grandes facilités, c'est jubilatoire, mais sinon c'est... Sinon, ça ne provoque pas un plaisir particulier. Et donc, le plaisir que vous tirez, Sandrine Laurent, il est lié à cette créativité. Comment vous le caractériseriez? Clairement, c'est pour ça moi, c'est le fait d'avoir, comme vous le disiez, pensé que je n'avais pas les possibilités de trouver des histoires et que finalement, les connexions se font. Et du coup, ça devient vraiment un plaisir. Pour terminer, on approche le terme de l'émission. Est-ce qu'on peut donner un exemple? Est-ce qu'en donnant un numéro de téléphone, par exemple, vous pouvez spontanément créer une histoire comme ça? Et est-ce que vous pouvez... Voilà, juste comme ça. Il faudrait qu'il soit dans d'autres conditions. Voilà, les conditions sont fondamentales. Les conditions sont fondamentales. C'est ce que vous voulez dire. Calme absolu, tranquillité. La concentration, et c'est avant tout. Bénédicte des Fontaines. La chose qu'il faut, attention, la concentration, c'est avoir un focus sur la chose à faire. Et après, on peut la faire. Mais comme ça, comme vous dites là, brûle pour point dans un endroit. J'ai fait le test, j'ai essayé. J'aurais bien aimé aussi. C'est vrai que je comprends que ce ne soit pas facile. Pas gagné d'avance. C'est pour ça que nous avons veillé à organiser les choses dans le cadre d'un calme absolu, demain, à la très tranquille, pour que les 8 personnes qui vont venir concourir, les 8 Français qui vont participer, soient dans des conditions qui leur permettent d'être vraiment bien. Et donc, nous verrons. Je rajoute que les chiffres ne sont pas ma priorité. Je préfère les mots. C'est aussi pour ça. Alors, je précise au passage que justement Sébastien Martinez, qui va être un autre compétiteur, dont je citerai le fait qu'il a écrit la préface d'un livre sur cette question de la mémoire. L'homme qui se souvient de tout. Voilà, donc je donnerai référence et les références sont sur le site. De toute façon, lui n'a pas voulu participer à cette émission pour cette raison-là, c'est-à-dire pour avoir le temps de se préparer, de se concentrer à la veille de cette confrontation. Tous les compétiteurs ont ce problème de préparation, Françoise-Marie Tullier. Oui, parce que chacun doit faire une préparation mentale assez forte, et c'est pour ça que nous sommes tous des adeptes de la méditation, de la prière. C'est une hygiène de vie qui est indispensable pour pouvoir travailler sa mémoire. Mais Lydie Desfontaines, donc une autre approche quand même assez différente de la vie trépidante dans laquelle on n'a pas un instant à soi. Là, on voit bien que pour favoriser la mémoire, il faut des conditions un petit peu quand même. Oui, alors nous c'est un peu ce qu'on fait aussi pour nos patients. C'est-à-dire que quand on leur apprend, quand les patients consultent pour des troubles de la mémoire, déjà on leur explique. On essaie de savoir si c'est vraiment un problème de mémoire ou d'attention, de concentration, de langage, de reconnaissance des objets, des lieux. Une fois qu'on a identifié le problème neuropsychologique, on leur propose des séances de réhabilitation cognitive, mais toujours basées sur les mêmes techniques, c'est-à-dire la technique de l'association et du plaisir. C'est-à-dire que, alors la répétition, elle est d'abord il y a la technique à apprendre, comme ce que vous disiez, ça c'est vraiment le socle, et ensuite on peut faire dessus tout ce qu'on veut. À partir du moment où la technique est ancrée, Voilà, elle est utilisable. Elle est utilisable. Mais c'est à soi, à tout un chacun, de trouver sa propre technique. Voilà, et transposable aussi à n'importe quel. Ouais. Voilà, Sandrine Laurent, vous disiez tout à l'heure que maintenant, la question est de l'application par vos élèves de ces techniques à l'apprentissage, le vrai, celui que vous enseignez. Comment vous allez vous y prendre? Vous allez intégrer ces techniques dans votre pédagogie ou comment ça va se passer? Oui. Je vais leur expliquer comment transposer là, ces épreuves dans leurs apprentissages pour retenir des faits historiques, pour retenir l'étape de multiplication, par exemple. Ça peut être utile pour certains. Françoise Marie Tulli. Et puis les langues en particulier. Les langues étrangères, c'est langues important. Étrangères. Oui, alors je crois qu'il y avait dans la vidéo de présentation de votre Open de mémoire, l'exemple d'une Suédoise, je crois. Oui, d'origine mongole. Voilà, oui. Qui a découvert, et c'est là où on voit la différence entre les cerveaux à l'origine, qui elle a découvert son don pour apprendre les langues par hasard, un peu en écoutant la télé, en regardant la télévision. Oui, quand elle avait moins de 3 ans, en effet, sa maman s'est rendue compte qu'elle lui parlait en anglais, alors que les parents ne parlent pas en anglais, mais c'est simplement en absorbant la télévision, en fait. À 3 ans, oui. Et donc, là, maintenant, elle pratique, elle est une des plus fortes compétitrices au monde, elle est dans les 10 premières, et elle est tout à fait étonnante, oui. Mais elle a un don, un goût pour l'humain, aussi, qui font qu'elle est très... Donc, elle apprend une langue en très peu de temps, ou oui, en très peu de temps. Et elle n'est pas, elle, autiste Asperger. C'est ça. Très bien, c'est bien de le préciser. Ce sont sur ces mots que le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Bénédicte Desfontaines, Sandrine Laurent, Jean-Louis Schwiners et Marie-Françoise Tulier d'y avoir participé. Donc sur notre site, vous pourrez trouver des références de plusieurs livres sur la mémoire, dont celui de Troels Dønborg et Jesper Karsjar, c'est très difficile à prononcer, qui est intitulé « L'homme qui se souvient de tout, un voyage dans les coulisses de la mémoire ». Et ce livre est donc préfacé par Sébastien Martinez, qui est un des champions français de la mémoire et qui participe demain à l'Open de mémoire. Je vous le rappelle, qui se déroule à Antony, n'est-ce pas Françoise-Marie Tulier. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Et sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez bien entendu réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant 1 an. Et vous pouvez nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. La semaine prochaine, vendredi 13 novembre, nous tenterons d'aborder la question très différente de la consommation de viande rouge qu'une étude récente classe parmi les produits qui favorisent le cancer. Sciences Publiques, Dany Journaud, Emmanuel Morse-Duncan, Marie Dalquier, Michel Alberganti.